le plus carré possible. J'ai fait d'autres projets depuis. J'avais fait des street tapes, là, next step, je sais pas, à l'époque où faire des mixtapes sur internet gratuit, c'était la mode, tu vois. J'en ai fait 2-3. On se faisait chier, il n'y avait pas d'instru. J'ai pris des faces B, j'ai fait 2-3 net tapes. Et en fait, j'avais fait plein de morceaux. Ils voulaient sortir un projet à ce moment-là, mais j'avais pas de mixmaster, rien. Je voulais pas me permettre de sortir un projet qui est pas le plus peaufiné possible, le plus propre possible. Là, j'ai eu les moyens, je le fais. C'est surtout, j'avais déjà fait plusieurs EP avec d'autres mecs. Ça s'est pas fait parce qu'ils ont tourné l'éponge, ils ont coupé l'éponge, embrouille, machin. Du coup, là, je suis tout seul. Ouais, ils ont tourné l'éponge, gros. Ça veut dire, ils ont tourné l'éponge, ils ont coupé l'éponge, tu vois. Ils ont tout fait, gros. Okay. Et du coup, là, je suis revenu solo, j'ai fait quelques feats dessus avec les vrais gars, puis voilà. Je prépare le deuxième tranquillement. D'accord, tranquille, ok. Il y a le temps. Ouais. Non, parce que je me dis, tu vois, après 20 ans, tu vois, ça fait 20 ans que t'es là. Qu'est-ce qui te motive encore, tu vois, à te relancer dans un projet, tu vois? Moi, je kiffe. C'est le kiff. Ouais, je kiffe. Okay. T'as eu une période de creux, non? Non, j'ai toujours continué à écrire. J'ai rien sorti, mais j'ai toujours écrit. Il y a 5 ans, un truc comme ça. Ouais, j'ai toujours écrit. J'avais quelques prods, des vieilles prods d'avant, tu vois. J'ai continué à écrire. J'ai des cahiers, parce que les smartphones, non. C'était pas, il n'y avait pas. Ok. Honneur à toi. On se rentrecoupe. Non, moi, c'était au niveau des... Voilà, comme je vois qu'il y a un projet, je me dis, vu que tu as 20 ans derrière toi, là, ça veut dire que tu peux te projeter encore dans 20 ans plus tard ou... Bien sûr. Ok. Je l'ai dit dans mes morceaux. Ok. T'arrêteras sûrement avant moi. Ah ben ça, moi c'est imminent. Là, je le vois comme Cristiano Ronaldo, là, en vrai. Non, mais après, à partir du moment où c'est que du kiff, t'as pas de limite. Ouais, j'ai pas d'objectif précis, tu vois ce que je veux dire. Il y en a, ils se disent, je veux percer, moi je m'en tape, donc j'ai pas de limite. Ok. J'attends pas que Skyrock m'appelle pour faire du son, tu vois ce que je veux dire. Je vais le faire, les morceaux, et Internet, maintenant, avant, il y avait rien. Avant, on arrivait à faire du rap, on avait que dalle. T'allais gratter un billet, tu faisais des flyers, puis tu faisais Mulhouse, Besançon, Belfort avec tes fly, tes mixtapes. Tiens, s'il te plaît, achète, presque à racketter les gens pour qu'ils t'achètent un scud. Maintenant, il y a internet, tu fais tout gratuit. C'est vrai. Je vais pas me priver, attends, pourquoi je vais laisser ça au ptio? En parlant. Attends. Seigneur, tu es. Tu lui en demandes pire que toi. Il est pire que toi. Non, en parlant d'internet. Tu le fatigues là. Tu en demandes beaucoup ça. En parlant d'internet, est-ce que tu chercherais pas un community manager? Mais pourquoi t'as besoin de ça, toi? T'es directeur artistique de Def Jam Bezak. T'inquiète, j'ai plusieurs casquettes. Non, parce que je suis allé sur ta page Facebook. Il y a un clip que t'as sorti sur le site de la Script Connection. Ou deux. Trois même, les trois sont passés. Ouais, le lien est mort, mec. Ouais, bah dis-leur à eux. Ah, c'est pas tough, c'est pas tout fait, bah supprime. Non, non. Tu peux... C'est bien parce que nous, nous partagent pas, nous. Ah, sujet sensible. Rizzo, si jamais tu veux. Ah non, ne fais pas de signe. C'est noté. Ok, non. Non, mais ouais. C'est des clips qu'on trouve pas sur YouTube, du coup. Si. Si, c'est juste la Scred qui a partagé les clips qui sont sur YouTube. D'accord. Tu tapes CD Bass dans YouTube, tu vas trouver tous les clips. Okay. Ouais, c'est la Scred, elle prend les clips. Elle. Mais je croyais que c'était des clips spéciaux. Non, le délire, c'est que j'ai les deux premiers clips qui sont postés sur la page Les Bêtes Musique et le troisième sur la page CD Bass. Okay. Tu vois? Ah oui. C'est juste pour ça que quand tu cliques CD Bass, si tu vas sur ma page à moi, tu trouveras pas les deux autres clips. Mais si tu tapes CD Bass dans la recherche, tu les trouveras. Oui, non, et la Scred, non, ils partagent juste les clips de YouTube. Okay. Ils ont pas leur plateforme à eux. D'accord. Ok. Bon, vas-y. C'est tout? Ouais, faut que t'enchaînes, faut pas laisser des blancs comme ça quand tu fais de la radio. Bam, bam, bam. T'avais une autre question? Non, je t'ai dit, comme je t'ai dit, notre invité, on l'invitera plus. Déjà, deux, un. On le prévoit pas. dans la grille. Il est pire que toi. Là, j'ai l'habitude, gros. Je t'ai dit, pendant un an, j'ai fait de la radio. On avait une émission, Les Bet Show, tu vois. Donc, non, il vient, il me hagarde comme ça en public. Au début, on était comme toi, on était prudes, on avait honte, on était timide, on savait pas, tu vois. Puis après, bim, bam, boum. On laissait des blancs. Non, je censure quelques. T'en peux plus, soit. Okay. T'en peux plus, t'as à vous. En fait, il voulait te faire, mais je crois qu'il est tombé sur un os. Il est tombé sur un os. Ça fait du bien d'avoir du répondant, tu vois. Parce que c'est souvent que je m'amuse tout seul. Tiens, l'os qui dit. Je voulais s'imaginer ce qui s'est passé. Ok. Bah écoute, moi j'avais terminé mes questions. Ouais. Mais tu vas pas partir comme ça, on va te faire bosser. Ouais, pas de souci. Donc je t'explique, on a fait un petit jeu là depuis quelques émissions. En partenariat avec Snack Food. En partenariat avec Snack Food, c'est un snack qui est sur les quais là, tu vois. En gros, on va t'imposer 10 mots. C'est la rime facile, c'est très simple. Pendant la diffusion des deux derniers morceaux que tu m'as passés, tu vas gratter de ton côté. Donc tu grattes soit un a cappella, soit sur une de tes prods, comme tu veux. Les 10 mots, ils sont imposés, un peu comme les poignées de punchline, tu vois. Ouais, ok, pas de souci. Donc moi, là, j'ai 8 mots, et puis les deux derniers, je laisserai Jones. Ah, c'est là qu'il se venge. Voilà, c'est non, ça. Non, même pas. Oui, même pas, ouais, ce soir, il s'en sortira pas. Non, c'est bon enfant. Vas-y, pas de souci. Ambiance bon enfant. D'habitude, c'est Sangoku, là, c'est Yamcha. Je te le dis direct. Ambiance bon enfant. Tu préfères gratter sur quoi? Tu veux une feuille? Tu veux. Ouais. Ouais, tu préfères ça. Ouais, tiens, ouais. Bah, passe-lui la tienne. T'as un stylo ou t'as pas de stylo? Attends, j'ai un stylo là, qui doit être là, clac. Tiens, donc la rime facile, donc pour ceux qui viennent d'arriver, CJ Bess va nous gratter un petit texte pendant la diffusion des deux derniers morceaux. Donc les deux derniers morceaux que j'avais, il y avait ben Fais pas si, ouais. Et le deuxième c'était ben Mes armes. Si je me trompe pas. Il me semble. Non. Non. C'est J'ai choisi. Ouais. C'est J'ai choisi. Moi, j'ai c'est pas ça. Choisi d'être là ce soir. Donc, il y a 5 minutes. Allez, il y a environ 7 minutes. J'aurais su, je serais venu avec l'instru de 16-30 contre le racisme. J'aurais eu. Il nous aurait déjà fait un projet. Il nous aurait produit un projet de putain. Donc, je te dis les mots. T'es prêt ou pas? Ouais, vas-y. Je note. Donc, le premier mot, c'est arme. Avec ou sans S, comme tu veux. Ouais. Le deuxième, c'est frère. Ouais. Le troisième, c'est mental. Ouais. Le quatrième, c'est dérangé. Ouais. Le cinquième, c'est 25. Okay. Le sixième, c'est nostalgique. Ouais. Septième, c'est hip-hop. Alors, attends. Nostalgique. Hip-hop. Le huitième, c'est fit ou featuring, comme tu veux. Okay. Et les deux derniers... Hagar. Ça m'inspire. Ouais, je me sens inspiré là. Et puis claquette. Donc claquette, c'est le mot de Jounes. Ça fait 25 fois qu'il non, le donne. Va le placer. Mais c'est parce que je l'ai hagar à coup de claquette. Il les a bégayés ce soir. Il les a bégayés ce soir. Tu vois, t'as eu ta rime là en direct déjà. Tu vois. Ouais, on va plus. Elle est où ta troisième transformation? On va plus l'inviter ce monsieur là. Donc la rime facile, je vous répète les mots. Arme, frère, mental, dérangé, 25, nostalgique. Dans l'ordre ou je fais comme je veux? Comme tu veux. Comme tu veux, frère. Okay. Hagal en claquette. Ouais, c'est ou bon, Hagal bon. Avec Hagal en claquette, je crois qu'il peut être collé. Maman, ce soir, c'était pas moi. Donc moi, en attendant, je vais passer les deux derniers morceaux. On avait dit, il y a Fais pas si et J'ai choisi. Vas-y. Donc t'as à peu près 7, entre 7 et 8 minutes pour gratter. Vas-y. Ton texte. C'est parti, la 25e, on est là jusqu'à minuit. Yes. Fais pas ci, fais pas ça. Reste assis et sois sage. Sur le rivage. Toucher les nuages. J'ai tout petit, mes parents me disaient, vas-y, profite-en. Leur message est méprisé, je trouvais tout trop saoulant. Et puis de façon, plus du sport et de la zik, ben j'ai le taille. En face, l'école et sa flûte ne sont pas de taille. Juste mes semelles sur le bitume, j'ai ce que c'est que la vie dure. Les galères de la hure, ça devient une habitude. Je réfléchis, je prends du recul, je rêve de fric, de bermude. Quand j'esquive, Belzébuth, c'est la poisse qui me percute. À coup de droite, du percute. Sauf normal que je me fâche, si le bonheur est mes vers, faut que j'arrache l'opercule. Genre de gosse qui perturbe. Le fond de la classe, c'est ma base. Pas de patience comme vertu, j'ai le langage qui agace. Les profs savent plus quoi faire de ce petit môme horrible. Ils me disent sans avenir et sort, et prends tes affaires. Mais dis-moi comment faire quand toutes les portes sont fermées. On me parle d'espoir, mais mon enthousiasme a les yeux cernés. Vite outil, on parle d'avenir. Fais pas ci, fais pas ça. Tu verras, c'est facile. Reste assis et sois sage. Reste sur le rivage, dans le mirage. Ne rêve pas, n'espère pas pouvoir toucher les nuages. Vite outil, on parle d'avenir. Fais pas ci, fais pas ça. Tu verras, c'est facile. Reste reste assis et sois sage. Reste sur le rivage, dans le mirage. Ne rêve pas, n'espère pas pouvoir toucher les nuages. Ado plutôt calme, malgré une enfance agitée. Je cogite et plus j'avance et c'est la rage qui vient à m'habiter. Je dis pas un mot, c'est mes pages qui les ont abrités. Un recueil où j'ai peur que l'espoir vienne à me quitter. Donc au fond, moi j'insulte quand on me traite d'inculte. Je les laisse pas me prendre le huc, les tasser tentacules. Puis je découvre l'alcool, plaque tout mon corps titube. Quand la routine me colle, il me fait prendre l'attitude. Mais bon, c'est qu'une passade, des petits gosses passages. Et relève la tête, et n'oublie pas qu'il n'est que de passage. Dis-moi comment faire quand toutes les portes sont fermées. On me parle d'espoir, mais mon enthousiasme a les yeux cernés. Tout petit, on parle d'avenir. Fais pas ci, fais pas ça. Tu verras, c'est facile. Reste assis et sois sage. Reste sur le rivage, dans le mirage. Ne rêve pas, n'espère pas pouvoir toucher les nuages. Dis tout petit, on parle d'avenir. Fais pas ci, fais pas ça. Tu verras, c'est facile. Reste assis et sois sage. Reste sur le rivage, dans le mirage. Ne rêve pas, n'espère pas pouvoir toucher les nuages. Fais pas ci, fais pas ça. Reste assis et sois sage. Sur le rivage, toucher les nuages. Passé 30 piges, l'avenir est toujours aussi flou. Et mon entourage rabâche que je suis toujours aussi fou. Je garde la tête sur les épaules pour mon petit bout de chou. J'évite la merde, bien dans mes grosses. Souris à tous les coups de mou. Et pour mes proches, gratitude, ça c'est une certitude. J'garde le cap, l'attitude, escape, l'attitude. Pas besoin de faire grandes études pour apprendre la vie. Pas besoin d'être pointu pour savoir que ça pique. Face à toute lassitude, plein un truc difficile. Faire le plein d'aptitude tout en gardant le sourire. Esquive cam et piture, café mixture, cascade, story dure, casse-drame, déchirure. Pouvoir enfin partir vers de meilleurs séjours. Oublier qu'à chaque instant seul ta vie se joue. Dis-moi comment faire quand toutes les portes sont fermées. On parle d'espoir, mais mon enthousiasme a les yeux cernés. On parle d'avenir, fais pas ci, fais pas ça. Tu verras, c'est facile. Reste assis et sois sage. Reste sur le rivage, dans le mirage. Ne rêve pas, n'espère pas pouvoir toucher les nuages. Et tout petit, on parle d'avenir, fais pas ci, fais pas ça. Tu verras, c'est facile. Reste assis et sois sage. Reste sur le rivage, dans le mirage. Ne rêve pas, n'espère pas pouvoir toucher les nuages. J'écris une page pour mon livre entre rag et serre crochetée. Je gratte toutes mes lignes quand le rap se barre et marche à cloche-pied. Mes sentiments deviennent noirs quand l'impasse me dit viens par la vie. Dis-moi t'en parles à qui quand la mort te salue par la vie. Écorché par la vie, donc pro sans demi-mesure. Si l'amour est richesse, les miens se trouvent proches de la misère. Même tout proche de la barbarie, quand guidé sous substance. Ou quand c'est avec ton anse que le diable se gargarise. Toi t'es bien, tout regaillardi, direction mauvais sens. Tu tisses des liens entre la bâtardise et tous les mauvais sens. Tu cherches de l'estime, le cul bougé sous la barre. Non, même me parle pas de jean quand ta mousse vient de caresser la barre. Si je viens agresser la barre, story maîtrise de vie en combi. Je maîtrise de vine qui vient des piles, t'as pas celle qui font compil. Au mic, je me mets à nu quand tous retournent leur veste. Puis on dira que c'était nul parce que j'ai pas laissé les restes. J'ai choisi le rap quand c'était point un phénomène, quand c'était point un effet de mode, quand c'était point si éphémère. Désolé si mes mots vexent, mes mots stressent d'être censé être passé pour quelqu'un de mauvais. J'ai choisi le rap quand c'était point un phénomène, quand c'était point un effet de mode, quand c'était point si éphémère. Désolé si mes mots vexent, mes mots stressent d'être censé être passé pour quelqu'un de mauvais. Au risque que ça déplaise, je serai pas le sujet d'Horus. Ma vision porte la barre avec le jean dans l'iris. Mon malaise, commencer cette life avec du malus. Éviter tous leurs pièges, t'apprends à maîtriser la ruse. Fils, ma liberté, au moins que je la rappe ou la chante. Et c'est pas pour que les Rothschild laissent leur marque sous ma jambe. Je suis à milieu de leur game, donc j'esquive leur hypocrisie. Pratiquant de la fin dans le milieu de l'orgueil. Mat, ça se touche de body, ta flimage en scrupule sans complaisance. Ils vendent la merde et tu ne vois pas que c'est complaisant. C'est lugubre, l'époque somme nourrie au bruit des perceuses. Pour que les types s'endorment, les glocks ont remplacé les berceuses. Ce move vulgaire, ça croque talon vulgaire. Mis à part ça, c'est schlag drogue. Visage pas les ulcères vulgaires. guerre, obligé de l'être, vu que tout est banal. Et qu'aujourd'hui, pour être dans le game, faut paraître pour un zamal. J'ai choisi le rap quand c'était point un phénomène, quand c'était point un effet de mode, quand c'était point si éphémère. Désolé si mes mots vexent, mes mots stressent d'être censé être passé pour quelqu'un de mauvais. J'ai choisi le rap quand c'était point un phénomène, quand c'était point un effet de mode, quand c'était point si éphémère. Désolé si mes mots vexent, mes mots stressent d'être censé être passé pour quelqu'un de mauvais. La 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-sud.net 101.8. Yeah. Oh, c'est la première fois que je le fais ce soir. Yeah. Et il est propre en plus. Super propre. Il est mixé, masterisé celui-là. Yeah. La 25ème. Ramène sous cellophane. Oh, il a craqué lui. En fait, il a vu que tu parlais, il s'est dit je préfère même pas te prendre dans le micro. Il voulait une voix de crooner. Il voulait une voix de crooner, tu vois. Tiens, il continue. Oh, mais vas-y, je pars en roue libre. Sidi Bess, il m'a. Un soir, c'était pas ton soir. Hein. Donc, la 25ème, on est là encore jusqu'à minuit. Sidi Bess nous a gratté sa rime facile. J'espère qu'il a fini, qu'il a réussi. Hein. Dernier mot. Je vais vous répéter les mots qu'on lui a offert sur un plateau. Donc, il y avait arme, frère, mental, dérangé, 25, nostalgique, hip-hop, fit ou featuring, haggar et claquette. J'espère pour lui qu'il a tout placé. Hein. On a essayé. Parce qu'on verra. Hein. On va juger le MC, le lyriciste, comme il s'est. Oh, tu sais quoi? Regarde. Hein. T'as vu? Je t'ai mis j'avais dedans. Pas mis, ben je l'ai rajouté. La tête d'homme, je t'ai mis dedans, regarde. Je t'efface. Regarde, et je change la phrase. Un mot, et puis voilà, je tournerai la phrase quand j'y serai. Voilà. Pour toi. Voilà. La rime facile de Sidi Bess, t'es prêt ou quoi? Ouais, je suis prêt, ouais. Allez, c'est parti. Alors, ça fait. Frère, faut pas croire que je viens ici pour faire mes armes. Ça fait 20 piges que dans le 25, j'ai forgé la mentale. Je viens pour déranger. Du vrai hip-hop, je suis nostalgique. La bonne époque, les bons feats. Pas ceux que t'écoutes sous antalgique. Younes. Ouais. Je vais pas te haggar à coups de claquette. T'es un bon gars en vrai. Même si t'es de la jaquette. Il t'a regardé droit dans les yeux. Hein. C'était pas ça la fin. C'était pas ça la fin. Il l'a fait en impro, c'est pire. Il t'a fini en impro. On va couper le montage. On va mettre des bips. Tiens. Il y aura des bips au podcast. Affiche-le chez toi. On va mettre des bips. Parti pour le freestyle. Attention, la jaquette, on va mettre des bips. Chaud pour le freestyle ou quoi? Je t'envoie 1, 2, 3 comme tu m'en. Ouais, vas-y, ouais. Yes, c'est parti, session freestyle. Chaud. Sidi Bess dans la 25ème. Jason Voorhees. Yeah. Encore une trap. Yeah. Voilà le S, 2000 disquettes. Vas-y, commence à prier. Crier, je lâche la bête. Elle est venue me dire qu'elle va tous les plier. Rabette, non, jamais quand. J'amène ça, j'arrête, non. M'amène cran, d'arrêt, les gants dans le sac. Pa-pow, parle pas bâtard. Les bacs appartiennent à celui qui se lève pas tard. J'ai la patate, pas de banave. Quand je prends le mic, c'est pour niquer ta mère et te piquer ta barre. Je vais te niquer ta. Ouais, j'ai les guns et la folie de Nikita, frère. Ouais, la folie. Découpe ça la machette, Jason Voorhees. Je lâche des cadavres de page. Coupe les sanglants, c'est mon adage de base. Lavage de cash, je fais dans le tapage de crâne. Braquage de masse, vente, tapinage de wack. Bref, massacre. Des coups de couteau dans le dos, c'est des massages. L'âme planquée entre le roco et les massas. C'est ce paquet de toucherie, je fais des bacs une boucherie. J'espère t'as retranscrit le message. Là je débarque dans le tas, je ne parle pas. Découpe ça à la S. Non je n'épargne pas, je ne pardonne pas. Découpe ça à la Jason. Non je n'épargne pas, je ne parle pas. Découpe ça à la Jason. Je débarque dans tes oreilles, arrache tes tympans. Je me fous de ton oseille ou d'être dans le top 50. Je veux que ça saigne sur ma lame. Je veux que l'auditeur, ça c'est mon pic visite en son ventre. Cours MC, cours vite avant que je te bute. Sens-tu mon souffle chaud, caresser ta nuque. La rouille de mon schlasse, trifouillant ton huc. En un ce que tu saches que je peux provoquer ta chute. sale. Sache que je vais pas prendre de pincettes. Je fais du sale. Ouais, sale. Je vais te mettre à l'eau et au pain sec. Because je me fous de tes messages et de tes causes. Si je demande un feat, sache que c'est pour te briser les côtes. Si je demande un feat, gars. Essayes-tu de t'enfuir? Non, je n'ai pas fini de te faire souffrir. Tu pourras même appeler tous tes sbires. De tous tes cauchemars, sache que je suis le pire. Dans ta, je ne parle pas, découpe ça à la. Non, je n'épargne pas, je ne pardonne pas, je découpe ça à la. Jason. Non, je n'épargne pas, je ne parle pas, découpe ça à la. Jason Burris. Jason, Jason, Jason. Arrête. Ça sert à rien de courir, j'ai dit arrête. Ou d'appeler tous tes sbires, arrête. Non, ça sert à rien de courir, j'ai dit arrête. De tous tes cauchemars, je suis le pire. Là, je débarque dans le tas, je ne parle pas, découpe ça à la. Non, je n'épargne pas, je ne pardonne pas, découpe ça à la. Là, je débarque dans le tas, je ne parle pas, découpe ça à la. Jason. Jason, Jason, Jason Voorhees. Vous avez remarqué comme parfois on peut tomber sur le genre de personne qu'il vaut mieux pas faire chier. Pas faire chier. Hein, Jounès. Ouh. La 25ème, si tu baisses. Yeah. Chaud. Check. Des fois je me sens comme perdu, l'impression de stagner. Chaque fois je me dis le changement arrivera peut-être cette année. Mais la merde perdure, le monde lui a encore plus fané. Et ça me désole à mon âge de ne toujours pas comprendre l'homme. J'ai flâné, la tête dans les étoiles, m'attend les alentours. Les codes où se côtoient, le lâcher prise et l'envie de gagner. Un homme sensible, formaté à tout type d'excès. Des tirs sensibles, forcément feront des types vexés. Je regarde encore et encore et ne vois plus qui est qui. Est-ce moi qui suis trouble ou le move qui dit qui reste, qui veste qui? On se perd dans des vestiges de morale aujourd'hui surfaite. Faut croire que la terre n'est qu'essence et tout se noie à la surface. S'avance à vie sur face, avançant face à face. Un vent de vie s'est fait pour que l'âme se fasse avoir. Et partir pour aller où? Comme si la donne allait changer. Coincé dans un gouffre où seul le diable nous fait danser. Hey. Avoue que ce monde dégoûte, il fait semblant de t'écouter. Ici le fric s'écoule, pour mieux te dérouter. Dur de dire que la vie s'écoule, bosse comme un éreinté. Regarder dans le passé, et se dire qu'on s'est raté. Et malgré tout garder le smile, se dire qu'il y a toujours pire ailleurs. Et si le bonheur devait se pointer, il serait peut-être temps qu'il se magne. Marre de voir des tas de cadavres couchés sur de l'argent sale. Le marchand de sable, le marchand crabe, dans ce qu'il vend y a rien de ça, y a rien de rentable. Pour ceux qui visent un peu l'avenir, poser le front à terre, et s'en battre de ce qu'ils admirent. Ouvrir enfin les yeux sur ce que les anges chantonnent, se rendent compte que les paroles de Dieu, ça change l'homme entre grief et péripétie. L'envie de me barrer d'ici, y'a qu'au mic, j'ai l'impression de pas être touché de paralysie. Mais comment refaire surface quand la merde perdure, que les soucis tuent et que personne t'aide à savoir où le mal se situe? Mes armes sont mes valeurs respectables, je veux pas être un pantin dans leur malheureux spectacle. Hey. Laissez-moi cracher mes vérités, sachez y'a pas de secret là-haut, tout ce qu'on cache est vérifié. Mes armes sont mes valeurs respectables, je peux pas être un pantin dans leur malheureux spectacle. Insoumis, laissez-moi cracher mes vérités, sachez y'a pas de secret. Si j'y baisse, chaud. Faut qu'on m'explique comment un homme peut shooter des gosses ou se foutre en jupe, se mater dans la glace tout en se frottant son gloss. Glisse sous les draps d'Iblis. Pour le fric, garde les mains moites, se bat pour race. Aimant en levant la main droite, vise les perversions, prétextant l'ouverture d'esprit ou une déprime. Le cœur bloqué se faisant croire qu'il reste libre. La vérité se trouve souvent dans un texte sanglant. Et si peuple est malade, le doc s'amènera toujours sans gants. Ça sème des balafres plus que de la bouffe à autrui. De sale malotru vend de la mort dissimulée dans l'altruisme. Qui a raison, qui a tort, qui est sage, dis-moi. Qui est fort, qui est lâche, le fond, la forme, qui les départage. Les médias scandent leur foutaise, un somnifère pour qu'ils ne voient pas. Ils veulent qu'on se taise, qu'on se laisse faire. Et c'est justement ce qui me va pas, moi j'ai choisi de comprendre. La vie c'est sale et reste mouton noir que l'est un homme. Si dis le paria, mes armes. Je veux pas être un pantin dans leur malheureux spectacle. Yeah. Radio Sud, la 25ème. Mes armes sont mes valeurs respectables. Je veux pas être un pantin dans leur malheureux spectacle. Yeah. Mes armes sont mes valeurs respectables. Je veux pas être un pantin dans leur malheureux spectacle. Insoumis, laissez-moi cracher mes vérités. Sachez, y'a pas de secret là où tout ce qu'on cache est vérifié. Mes armes sont mes valeurs respectables. Je veux pas être un pantin dans leur malheureux spectacle. Insoumis, laissez-moi cracher mes vérités. Sachez, y'a pas de secret là où tout ce qu'on cache est vérifié. Yeah. Spécial dédicace aux familles de nos disparus. Check. Toi-même tu sais que chaque année il y en a plus de 10 par rue. Yeah. Est-ce que t'es chaud pour la dernière? Ah, j'ai plus de salive, mais ouais. La 25ème, CG Bess. Yeah. Chaud mon pote. Voilà ce qu'on veut. Yeah. Yeah. Hey yo, pas de trap, pas de slam, pas de chichi, non, pas de blague, pas de soucis, non, pas de drame, que les haineux ne fassent pas de vagues. Moi je viens de la France, du type panette, une petite planète, shit, canette, rap, vitrice, des tirs, palettes, zigalette, lyophilisé. Les petits classes street à l'aide grandissent, galère, font les ouf au lycée, sale trip, horrible, clip, corps, tori, non merci, si c'est pour en payer le prix fort, sorry, fric glorifié, story gore, bis prolifique, flic, cori, corridor, vice politique, éthique scarifié, sorti d'orbite, kiff maléfique, zika sorti d'or où seul l'iblis profite, c'est un monde de fou, ouais, perceuse au coup de fou, ouais. Doué, pour qui la réussite n'est pas vouée, avouée, c'est dur, au top, sans coup et blessure, c'est refusé de tomber de l'arbre pendant qu'il se fait salement secouer, avenir sans gouer, un aveugle qui tient le volant, la vie une barque sans bouée, une vague ou en bouée, donc moi je m'esquive en soucoupe volante, loin de ce move et ses scoops violents, comme cette michto sur scoot d'Hollande, c'est du vrai rap, de la prose et de la technique, faire briller les synapses, qu'ils soient moroses ou bien festifs, ce qu'on veut c'est du rap vrai, frère. Fais-le avec le cœur, même si c'est dur à le faire. On veut, c'est du vrai rap, de la prose et de la technique. Faire briller les synapses, qu'ils soient moroses ou bien festifs. Ce qu'on veut, c'est du rap vrai, frère. Fais-le avec la rage. C'est du buzz. Ce game me colle pas quand il me parle drogue brolique. Full bolide, gros, mais c'est qu'une pouca pour les flics. Comme promis, c'est côté chiffres, c'est coquet shit. Pousse les types dans les bacs à faire croire qu'ils déchirent. Ça parle top et chic, mais ça vole pas haut. Demande à la vraie street si leur zig elle fout le bas haut. Ils se postichent, fastoche, couplés sur des post-it acoustiques, atroce, oubliés à grands coups de stick. Piflés par des gens, genre les majors, gangsta dans les clips. Oui, mais excusez-moi, monsieur l'agent, sans quiproquo, je kick. Leur équipe, elle pas trop top. Eux contre moi, c'est comme McDoom face à Crocop. Il déboule quand les types vite boum, je fous le boucan. Je viens fourrer toutes les teams avec mon bic dans le bootcamp. Donc fous le camp, si tu n'adhères pas le style. Le groupe scande, fut large, même si le monde est slim. Ce qu'on veut, c'est du vrai rap. Technique, faire briller les synapses, qu'ils soient moroses ou bien festifs. Ce qu'on veut, c'est du rap vrai, frère. Fais-le avec le cœur, même si c'est dur à le faire. Ce qu'on veut, c'est du vrai rap, la prose et de la technique. Faire briller les synapses, qu'ils soient moroses ou bien festifs. Ce qu'on veut, c'est du rap vrai, frère. Fais-le avec la rage. Je découpe ça, couple les sales. Fais divers, écoutez ça, mon compte est ça. C'est la haine, c'est ça, date pas d'hier. Pourtant clip de bord, AMG. Bling bling, texte léger, la NG. De voir mon rap subit un triste sort. Mais c'est pas le seul où sont les sous-sols sales. Les sous-sensi, les sons d'en dessous qu'avant sans dans le si. Moi j'ai les crocs dans le rap, dans le sable. Donc je préfère avoir des thunes que des vues YouTube dans le sac. Yo, même en freestyle, je t'amène un thème trip sale. Je termine le track freestyle, j'ai mille vibes et de quoi leur inventer un truc. Non là c'est trip à l'ancienne, pas de place pour tes conneries. J'kick et kiff me lancer, pas venu pour les faire gaulerie. Ce qu'on veut c'est du vrai rap, la prose et de la technique. Faire briller les synapses, qu'ils soient moroses ou bien festifs. Ce qu'on veut c'est du rap vrai, frère. Fais-le avec le cœur, même si c'est dur à le faire. Ce qu'on veut, c'est du vrai rap, la prose et de la technique. Faire briller les synapses, qu'ils soient moroses ou bien festifs. Ce qu'on veut, c'est du rap vrai, frère. Fais-le avec la rage, même si c'est dur à le faire. Wow. C'est du buzz. Chaud. Chaud, mon gars. Ouais, j'ai chaud, c'est vrai. Lourd, lourd, lourd, lourd, lourd le freestyle, lourd le freestyle. Lourd de ouf. Ouais, je sais quoi, c'est des versions saines, c'est quoi ça? Là, hein, tu nous as. C'est la version CD Bass, moi. Le mec, il t'allume normal. Bonjour, c'est et moi. Il est venu, il s'est levé, clac, clac, clac, il se rassoit comme bonsoir, si. Bonsoir, je suis descendu. Je suis Benny Vidi Vici. Il fait même des interludes trap, il boit. Il t'allume. La totale, quoi. Je me repose tranquille. Normal, comme si de rien. Il fait ton taf, tout ça. Yes. Gamin. Non, vraiment, merci. En tout cas, merci, merci à vous, merci déjà à vous. D'avoir fait la route depuis Mombé. Merci à vous. De venir, d'avoir partagé l'émission avec nous ce soir. Ah, c'était cool. Profite, profite, c'est la dernière. Tu pars, je vais prendre ta place. Tu sais juste pas encore, tu vois. Je te laisse kiffer tes derniers instants. Ah, lourd. Vas-y, je pose un 16. Je pose un 16. Ah, merci à vous en tout cas, c'était un kiff, franchement ça fait plaisir. Et quand ton projet, quand tu sais exactement quand il sort et exactement. Normalement ça, le 14 septembre, mais t'as vu, c'est okay. Moi je suis un mec, ça se peut, il sort pas du tout. Ok, okay. À suivre. Ça se peut, il s'est perdu. Nous, il n'y a pas de maison de disque, il n'y a pas de date carrée. Ça se peut, c'est tombé. Voilà, tombé le projet. Tu l'envoies, je lui dis, je te l'envoie après ça. Normalement, un mois, il dit, ça fait 3 mois. Tu vois. Si. On verra. Mais, non, mais voilà, on est en train un peu de préparer la grille pour la saison prochaine. Donc ce sera. Avec voilà, plaisir. Tu vois. On va regarder aussi qui sort les projets. Voilà, on va un peu. On va pas trop parler, vous verrez à la rentrée. Mais et contrairement à ce que certains disent, on te réinvitera avec plaisir. Parle pas trop, t'avances pas trop. De toute façon, normalement, dans le deuxième, il y a un feat avec Rizzo, donc tu seras obligé de me réinviter. Donc, forcément. Okay. J'ai cru que t'allais dire il y a un feat avec Jounes. Non, il sera pas là. Jounes, t'as quelque chose à dire avant qu'on rentre Maman. Ah, ça y est, t'as lâché au Seigneur, mon Dieu. Voilà, je suis tombé sur un grand frère, donc tu m'as toujours dit de respecter les plus grands. Exactement. Voilà. Yes. J'ai dit, pris son ticket de joker, le grand frère. Même, j'ai dit, je tape pas les petits. J'envoie d'autres petits le faire. Attention. Bélec. S'il en reste. Des Gremlins. Donc c'est Cidibes, si vous voulez retrouver YouTube, Snapchat, YouTube, Facebook, partout, Instagram. Tapez Cidibes, vous verrez ma gueule. S-I-D-I-B-E-S. S comme Sophie et S comme Saturne. SS, pas comme les nazis, attention. Hein. Yes. Eh ben merci. Parpa, on va faire les photos comme à notre ouais, habitude. Ouais, pas de soucis, je suis là. Je vais mettre du son. Après, si t'as envie de passer du son, on passe du son. Tranquillou, tranquillou. On va se mettre à l'aise pour la dernière J'espère demi-heure. J'espère que je l'ai mis dans la vibe d'Alancène, parce que si c'est pour finir sur du Gims ou ce je sais soirée, pas sa tête tourne. Non, on va prendre un truc local. Alors, parce qu'on sera pas en son direct. Son visage tourne. Je vais tailler quand même, même si on n'est pas en direct. Hein. Passe donc mon son. Eh tiens. Ouais, il y a le nouveau puriste là. Il l'a pas, c'est trop violent non, pour lui. Je l'ai pas. Je vous laisse meubler 30 secondes. T'inquiète pas, on prend mal l'antenne. Racontez vos vies. Hein. Non, bah tiens, je vais faire la promo pour demain. Pour ceux qui cherchent du hip-hop et du rap mais en fait, chez nous. T'es comme un cendrier sur une moto, tu sers à rien. Oh, j'ai eu l'image. Putain. La tête d'or. Moi, je vois la Garrett 6 consumer le long de la route. Ça, mais, tu vois, je l'ai vu en cendrier sur une moto, tu vois, c'est pour ça. Il y a eu un bug. Il y a eu un bug cérébral. T'as apprécié ou quoi? Non, pour ceux qui veulent nous retrouver, demain, on sera sur scène. Quand je dis on, il y a Gore, il y a Sinza, il y a SLF Crew, EDRF, CNR, Guise, Théo2S et moi-même. Et Digno pourra pas être là, malheureusement. Ben, y en a qui travaillent, donc il pourra pas être là. Vous pouvez nous retrouver dans la rue du Palais de Justice, cette rue qu'on adore, devant le salon César, donc de 21h à minuit 30. Donc faites de la musique demain. Faites de la musique. Profitez ça bien, faites pas de conneries. Ouais, buvez pas trop, restez à pied. Si vous buvez, prenez pas de voiture. Ouais, ça va. Eh frère, prévention. Jojo, Jojo préventif. Voilà, tu vois le problème Jojo des générations. Manger 5 fais attention, laisse-moi tranquille. C'est ça, on est en plein dedans. Comment tu veux que ça fonctionne, gros? Comment tu veux que ça fonctionne? Mets une capote, laisse-moi tranquille. Comment tu veux qu'il y ait... Tu vois, il n'y a pas de communication à la base, tu vois. Il y a un problème d'entrée, tu vois. Ne tire pas, c'est ton frère. Boum, trop tard. Laisse-moi tranquille. Oh là là. C'est pour ça, tu peux pas. Bon, tu m'as trouvé un son ou pas, ouais, du coup? Bon, on va ouvrir un nouveau casting pour la 25e. On envoie quoi? On envoie le nouveau puriste ou quoi? Pour la chronique à Jojo, il y aura un nouveau. Vas-y, c'est parti. Allez, on envoie le nouveau puriste, c'est parti. Yes. Le son, c'est minuit. D'ailleurs, c'est bientôt. C'est parti. La petite blague. Comme un prof de ZEP, tu peux repasser vers minuit et ben oui. Je finis le 16 quand les keufs me cernent. On a grandi, on connaît la ville. Les enfants terribles devenus bandits qui peuvent t'enlever la ville, ils ont bandé. On n'est plus dans un film. Je m'adapte, j'analyse. Je côtoie toute la liste. Gens riches qui s'enlisent. On est blacklisté. On est libre, on s'enregistre, tu peux pas me niquer. Je connais la suite. Noir. J'ai compris car j'ai vu 4 cartouches, un Zifu. Finir un film dans des histoires de rue, pas le temps de donner la vie. Moi, j'ai donné la mienne. Je fais le décompte, c'est la merde, ouais. La pendule est passée, j'ai rien gagné, donc plus rien à perdre, t'sais. J'écris des rimes, c'est des pavés. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'était pas vrai. J'ai plus ce qui m'arrive, j'ai suivi le rythme et j'ai rappé. Plus d'une fois voulu me barrer. Mais j'ai narré nos vies, ça te fait marrer. Je suis catégorique, c'est maladie, je peux plus me soigner. Ouais, ouais. Le jeu pro est carré, je ne sais carré. L'histoire dans un fichier zip. J'en ai plus rien à carrer, j'ai plus aucun rêve. Ouais, vos carrés vip. Qu'est-ce qui se passe ici, entraînement intensif? Des petites faces et six apes, entièrement insensibles. On t'arrache à 100 000 sur un trapit, marave ton pif. De la Katsuki, ça a aucune académie. Check. J'ai pas la tête faite pour les règles. Depuis que je vois les mêmes dans les caisses souterraines. Tellement c'est de la baisse, tu peux plus t'asseoir. On sent tellement seul qu'on parle plus qu'à soi. La triche c'est la base, ils t'arrachent des ratiches. Y'a du sang qui tâche toutes tes Maserati. À quoi s'attacher, saccager la cage. Pousser les frontières, modifier la carte. Y'a que la santé qui compte, mais rien à compter quand on la laisse en paix. Ils sont plus en plus cons, loin des limites vont devenir légendaires. La vie est belle alors hors dans le sud. Ou quand t'as peur à ses torts dans le cul. Je casse des bouches, t'as des nouvelles de genre. Crié parmi mille comme un couplet de jeunes. Puis une piste, leur style, jeune pique, jeune pitre. J'dors dans le but, bande de Mr. Bean. J'écris des petites torpilles pendant qu'ils sortent. Oui, prévoyez le pitch, prévoyez le pire. Mais vous m'attendez pas pour le faire. Un pour le brick dans les îles, deux pour les mettre dans les airs. Pour remettre leur mère en leasing. J'ai tordu mes limites en scred. Imminente crise, trouver l'imminence grise. T'es qui danse bise, on m'étonne qui pense stress. Si tu connais pas le respect, qu'on t'instruise. Voilà le skills, comme gangsta. 2 heures du match, j'ai encore dans le stade. Faut devenir un pion, il faut l'école dans ce cadre. J'ai jamais dans le pas, j'drive solo. Bye d'astronaute. Qu'est-ce qui se passe ici, entraînement intensif? Des petites faces et six apes, entièrement insensibles. On t'arrache à 100 000 sur un trapit, marave ton pif. Paille de la Katsuki, ça a aucune académie. J'ai repoussé mes limites, décuplé ma soif fort comme un super saiyan. T'es du père, ça y est, c'est fini. T'es ma tous ces wax ou ma bulle d'air Nike, ils sont mimi. J'ai de quoi les grailler dans un vulgaire cahier. J'ai un bulle d'herbe, j'taille ou à la vue des douaniers. Toute ma plume pèse grave, on a dû s'éloigner. J'ai atteint dernier dingue, je peux en témoigner. Peux vendre autant, kicker des prods piratés. J'fume la pepef sirotant, Jack la pupille dilatée. J'ai vidé la taille, fait des débilités. J'défie des militants, défait d'humilité. J'revertis humilié que le 9000 me tend. Car mon seum s'immisce dans la moindre futilité. Ils m'ont fui trop longtemps. Bon qu'à affronter l'état. C'est l'affronter l'état qu'on vient affronter les gars. Ils préfèrent monter des plans qu'à raconter des blagues. J'fais que monter des marches, viser la cime de la pyramide. C'est la banane la pire au monde. Son putain de sommet se détache. J'veux le putain de monnaie cash. Le bulletin compte épargne. Toucher la compte sur ce qu'on prépare. Au fond, je rêve juste d'un second départ. Je veux pas que mon plat soit ce qu'en départ. Une foule en liesse qui m'idolâtre. Je rafale en veste par rire jaunâtre. Deux secondaires par au son des balles. Qu'est-ce qui se passe ici, entraînement intensif? Des petites faces et six apes, entièrement insensibles. On t'arrache à 100 000 sur un trapide, marave ton pif. Paille de la Katsuki, ça a aucune académie. Qu'est-ce qui se passe ici, entraînement intensif? Des petites faces et six apes, entièrement insensibles. On t'arrache à 100 000 sur un trapide, marave ton pif. Paille de la Katsuki, ça a aucune académie. Je connais pas trop les règles, alors lis ton papier. Dans mon neutre, c'est fêlé comme un deal. Ils veulent tous investir dans la suie, dans l'acier. Mais personne ne calcule la puissance de l'ogive. Pour rap, c'est logique. Je me marche, j'ai trop mis une partie de mon slip dans l'oreille mauvais. C'est catégorique. Je bougerai de la ville vers les tropiques quand je serai rêve de l'ové. Serre-moi un Roma, coûte 10 000 par mois. Je veux le meilleur ainsi que mon île ici. J'ai vu la beauté dans les yeux de maman. Ne me parlez jamais de vos mots, j't'ai dit vite. Je vais bourrer des pifs. Ramener la coupe chez Bibi. Braquer la foule et les pitres. Arrêtez de jouer les plus cramés de la street chez nous. On t'aime à passer bêtises. Suisse. Fâché c'est dit, allez cicatriser un max. Je vais trafiquer la carte. Venez mastiquer la veine. Au puits comme Benalla. Couverture dès l'impact. Couverture des trappards. Des fonds dans les pare-balles. Savon pour les mains sales. Je rentre dans la foule à la Benalla. Tout matraqué à la Benalla. Ticket casqué comme Benalla. Puriste débarque, fait sonner l'alarme. Gère la manif à la Benalla. Baisse la justice à la Benalla. J'mérite le brassard comme Benalla. J'vais laisser ma marque, fais chauffer la lame. J'vais sauter ta dame, j'compte pas sauver la plat. Net dans ma tête, je le suis pas dissipé. Sans m'avertir, dissipé, j'rappe là. A Miami, plein, y'a pas de Mississippi. On sera bleu, on sera plein, sans rappeler, serait sans sas. Sans cesse, me ressasse, j'remplace sans rappeler. C'est rappé, j'peux pas percer sans tasse. J'suis en apnée sous la glace, Ibrahim est dans la cesse. Sus, Alex a l'immunité. T'inquiète, à qui tu crierais. Là, la presse a dit que tu suivrais. T'as gratté ta pièce, en plus sur replay. J'vois mon âme sur eBay, mais l'occasion n'emballe pas. Moi, qu'un mec, j'compacté dans un gomme au balcois. J'attends là que mon mal passe, épaule gauche contractée. L'attention est palpable, prends ton bail et l'achat. Range ton arme, qu'on s'acharne, c'est ce qu'ils pensent quand tu trans. Soit tu plonges, soit tu tranches, faut que tu tranches sans blétrant. Là, tu ne ronges, toi tu manges, focus, venge quand tu sombres. Aucune chance qu'on m'attrape, j'vais skipper pendant que tu mens. T'existe que quand tu flambes, j'esquisse le plan, tu penches. J'laisse pisser le temps d'une manche, l'esprit se détend, tu flanches. J'ai pris l'exemple du grand mépris des gens durement. J'ai kill 16 ans brûlant, tes frites, c'est pas hurlant. Je rentre dans la foule à la Benalla. Tout matraqué à la Benalla. Ticket casqué comme Benalla. Puriste débarque, fait sonner l'alarme. Gère la manif à la Benalla. Baisse la justice à la Benalla. J'mérite le brassard comme Benalla. J'vais laisser ma marque, fais chauffer la lame. Veux chaud comme Barthez. Brusson comme Bronson. J'veux des gros sons mettre à l'aise. Violence et travers, pulsion qui me traverse. J'trouve repos dans Mandala. Depuis Mino, j'ai mal à l'âme. L'accès, cerveau désaxé à la Benalla. Je pourrais rapper des heures et tout dire, mais j'ai capté tout le vice de la ville. J'y navigue à l'aveugle, les sûrs qui sont vives car elles vivent à la veuve. Dites bienvenue à la meute. Les enfants terribles, vu le périple. On a la vie, pas la mieux. Tout va si vite, trop grand de choper des rides. Je déteste vos manifs. Les engagements sont bidons. Un peu ivre, tête dans le guidon. Je me sens vivre, ouais, c'est puissant. Attends, faut que je t'explique. Je vois des trucs qui te brisent, hein. T'as l'air speed toi là, tu supportes pas ça, on est que de passage. Je rentre dans la foule à la Benalla. Tout matraqué à la Benalla. Ticket casqué comme Benalla. Puriste débarque, fait sonner l'alarme. Gère la manif à la Benalla. Baisse la justice à la Benalla. J'mérite le bras. Brassard comme Benalla. J'vais laisser ma marque, fais chauffer la lame. Qui passe plus le shit que brigade anti-drogue. J'ai pété l'uniforme, dirige le cours de gym. T'es con si tu pris l'homme. Trop vie sans binôme. Délia sans philo, j'suis monde à l'opilo. Mondial des philo, j'ai pris l'or. Le monde allant plus mal, j'suis plus fort au final. C'est fino raffiné. L'espoir a pris l'eau, j'ai filmé. Prendrai l'apéro à Sydney. Truc et les JO. Les Chiro et triqué l'ont pris haut. J'pars avec brio, templier, bélier sur ma Clio. Tout est maquillé, ma guimauve. J'ai des choses à faire oublier. Moyen des millions, j'suis nouveau nominé. Nouveau mobilier, nouveau proprio. Hey ya, restez dans le préau à crier sous les gaz lacrymo quand j'écris le requiem. J'ai pas le temps Nico, faut que ça fume. J'enterre le magot sur la dune, faut que ça dure. J'encule la nature, j'fais des tours d'hélico. J'ai pris des photos de l'école des mioches du juge. Alex peut les visiter. Alex a l'immunité. T'inquiète, à qui tu crierais. T'as gratté ta pièce, baisse appui sur replay. Dites bonjour à Alexandre. Bonjour à Alexandre. Dites bonjour à Alexandre. On s'en bat les couilles, on donne pas l'exemple. J'rentre dans la foule à la Benalla. Tout m'a traqué à la Benalla. Ticket casqué comme Benalla. Puriste débarque, fait sonner l'alarme. Gère la manif à la Benalla. Baisse la justice à la Benalla. J'mérite le brassard comme Benalla. J'vais laisser ma marque, fais chauffer la lame. Pyramide de Gizeh, aiguisé sera mon épée. Hardcore, écartez les meufs, les bébés en face. corriger leur souffrance, âme sensible, s'abstenir si tu fais partie du clergé. Les ennemis ont bien reçu le récépissé. Gangst, brutalise les gamers, garçon si tu lourd. J'balance toute ma meca, garçon si tu lourd. Pénètre, péqué, je peux le faire péter mon son dans la RG. Sont là pour m'arrêter, tu sens pitié ton coin, ma faut le regretter. J'brutalise les gamers, garçon si tu lourd. J'balance toute ma meca, garçon si tu lourd. Pénètre, péqué, je peux le faire péter mon son dans la MG. Sont là pour m'arrêter, tu sens pitié ton coin, ma faut le regretter. Tu le seul loup qui ne craint pas l'argent. T'es en retard, pourtant tu pars à temps.